21. Les tentations ou Eros, Plutus et la gloire. De superbes Satan et une diablesse non moins extraordinaire ont la nuit dernière monté l'escalier mystérieux par où l'enfer donne assaut à la faiblesse de l'homme qui dort et communique en secret avec lui. Et ils sont venus se poser glorieusement devant moi, debout, comme sur une estrade. Une splendeur sulfureuse émanait de ces trois personnages qui se détachaient ainsi du fond opaque de la nuit. Ils avaient l'air si fiers et si pleins de domination que je les pris d'abord tous les trois pour de vrais dieux. Le visage du premier Satan était d'un sexe ambigu, et il avait aussi, dans la ligne de son corps, la mollesse des anciens Bacchus. Ses beaux yeux languissants, d'une couleur ténébreuse et indécise, ressemblaient à des violettes chargées encore des lourds pleurs de l'orage, et ses lèvres entr'ouvertes à des cassoulettes chaudes d'où s'exhalait la bonne odeur d'une parfumerie. Et à chaque fois qu'il soupirait, des insectes musqués s'illuminaient en voletant aux ardeurs de son souffle. Autour de sa tunique de pourpre était roulé, à manière de ceinture, un serpent chatoyant qui, la tête relevée, tournait langoureusement vers lui ses yeux de braise. À cette ceinture vivante étaient suspendus, alternant avec des fioles pleines de liqueurs sinistres, de brillants couteaux et des instruments de chirurgie. Dans sa main droite, il tenait une autre fiole dont le contenu était d'un rouge lumineux et qui portait une étiquette avec ces mots bizarres. « Buvez, ceci est mon sang, un parfait cordial. » Dans la gauche, un violon qui lui servait sans doute à chanter ses plaisirs et ses douleurs et à répandre la contagion de sa folie dans les nuits de sabbat. À ses chevilles délicates traînaient quelques anneaux d'une chaîne d'or rompue et, quand la gêne qui en résultait, le forçait à baisser les yeux vers la terre, il contemplait vaniteusement les ongles de ses pieds, brillants et polis comme des pierres bien travaillées.